Chez nous, on roule en béba. La couloir m'a dit à Coco. Malembete, Terrano synthétique. Transcoffret Express, Pierre Chamba, Chalet Chamba. Éclaireur, allez-y, troupe avancée. Pour les pôles, un job moins d'or. Comme à Kipé, Tomeli et Wakate. Caps, Kapangala, le champion. Cercas, casse, contact. Abakoufé, Mano Yami, Lan. Oui, vous dites que vous êtes à Makino. Aki Moukina Moukan, Moukina Mouchiki, Osaka Wandemi Wakati, Souka. Roboti, Aloube Lumila, Las Cross, Balobi, to komi na match kumi. Yo Kanadu, hein? Ça c'est vivre la musique nouvelle du sud. Yeah. Papa Wemba Mukili Mumba, yeah. Tout le monde va mouver. Yeah. Kaka Bashenge Bayaya, yeah. Basolo va New Jack na Bruxelles, yeah. Sando va Romain va Kadhafi, yeah. C'est la voix de Natu, yeah. New Jack, New Jack, New Jack, yeah. Je suis le meilleur gamin d'Afrique, yeah, yeah, yeah, Bumbu, yeah, yeah, Papa Wemba. Colivilla na Luanda. Roger Ndonga, hey! Claudie Lelo, Alain Lito. Hey! La petite chance est loco pamba. Coco Maria, Nami Michi Vundu. Yamogao, na Chantal Nota. kamuzo na kingo ebende. Et le commandant soviétique, poison Gorbatchev. Le colonel Jagger, Benga Bapeti Abachede, Bangonio Sotuna Chamoukouali. Ndinga uzape nzambete uzana nikasi kulutu wabaleki Joseph Profa Ngwabi Mabaya Adenaka Nozo Makema Adenaka Adenaka Nizina Kesa Adenaka Adenaka Nibishe Mola Adenaka Manana Ye Adenaka Ketala Ye Muna Sia Lempika Beata Yebisa Bango Histoire va changer à tête. Mwana mwasi kitoko, ezaleli na ye ekomi obangisa bato. Nakoyebisa tous les bankaka, tous les bachege, basolo na banyuja, ke baswa na kachame na moto aliboma. Walai, oyazala mato ya koyoka. Ayoka. Soit n'a jamais n'a moto liboma. Aimer, c'est avoir quelqu'un pour qui mourir. Et alors l'amour est plus fort que la mort. Chiquito Mouchachino, représentant l'État des Suisses-Irlandes. Si recoupe na vie ya noté, kasi la bina nga nini na problème nanga. Bakota kabola ko soki obuki mi beku, mino linga kana sala, boyonga na sali sifi. Mona koma mopa ya lela yo, na bute mana yo. Soki se la ka ata e ya lo, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, Kasomo, Lolo Adolphe. Nakati firaku pena vie ya noté, asalabi nanga nini na problème nanga. Bakota kabola ko soki obuki mbeku, inyoli nakana sa oyo nana sali sivi. Kona koma mopa ya lela yo na motema na yo. Soki se langa ata ya lele Pelinga motora na dali mo ebe Bakunda ka ebembe na butu te kwa Sena mor O motanyo swa vivo Ita mo ya koyo ka belobi Ebongi yo mona na miso Koyo ndi me la bango Sacrifié nga ipamba na belobi ya banguna vérifie na nou information bon avali innocent bakala va toujours n'importe quoi au bas de courageya mana yotoka bwana banguna basa feti Va toujours n'importe quoi Au bas des courageux Mouchachino Mana ya toka Mana banguna basa Fetie Thank you. feta. Otama mama otama ya pesa na imokolo wambo. Oya kufana kama na emite ona zelaka. Mopona banda kikela sina yebi mambo. Oya basu kisinga na yebite. Mamuna ngena lita, Tokyo ibi sholi solo kai. au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il. Ramazan, les solistes du siècle, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Ansi Papo Leko, Benjamin Mandundu. Tata me olibolo, oke la mokili oyo. Saba bai, iso bebe bambomba. Pe matoko, pe mata, pe utasena yo. Kesolo papa, mozali solo monene mingi. Raga FM, le son de qui? Que na likolo ba kondemela yo misi na mai lolenga ya papa banya mana zamba na biso bato ya mokili kopesi yo melesi na kosala nini papa sunganga na pasi oyo na botama mobali na kokufa mobali mokumba ya baleki na famiyo sase na nsima na ngai pesanga makasi nalonga na lavi nalonga na lavi Erike Shela natanga mbengo likolo okela mokili oyo saba bai biso bembe bangoma mpe matoko mpe mata eutasela yo MBC, la belle qui noire. Longolitina na miso ya ba japonaise ya ya ba fiti etos ondele na sala nini nga mwana mama na kende se malembe na ibate oboyo soni na luka se na moto kinanga la vinanga ya mobola oyo pasi Alulue wapi weso na deme bosongo Pas fragile na la ve mondele Chanadou Lolo Mustafa fe a vote Kokorama Ah c'est la nouvelle culture quoi L'école des chants de guerre Deporté C'est la mort. Kabuya, Clovis Katumba, Amboteage, Tifondo. Responsable. Serge Cassandra, ambassadeur moi pas Boko Malanga Dame Katanga Frère Azalie Lambio Lambio Frère Azalie Boy Azali Mayele Frère Azalie Boy Azali responsable Star Eleta Serge Loukie Oro Jolva Mav Mavanga Frère Azalie Boy Azali Nabule Dede Mouch, Mi Joseph Zete Moindo, Roba, Kebana Brusu. Valérie Lusando, une deuxième fois Brusu. Bon samba. Jojo Sansa Keliwara Kitoko boya yo Voilà, garçon ya mbou. Na quartier koutou ba koma ko ba enga. Akani si maso, yo kende na ya po. Elingi kono bate, na de fate mo. Solo na fili sa maka mona yo e pa ya baboti. La bi la bi ya koma, mama ya kana nanga. Boyo kiti sa. Pino Chobo Boyo Yoka Bernard Siasia Maebile la Sakina Way Paso su seba se pela la gaga por la yo La salida de Colela La Catia Paz La salida de Colela Gaga Carlos Salú Que la linga cayó, goleca. Potena ya mwana ya mwasi, se na tira. Usa kala, opaya na yo koti ya penti, na lombo so. Kaya ya bako ngolese, toyo na ligambo. Kitoko nepe kisanga na luka, osusuwe. Yoga.

Sonyoso A Staff Kinzi, Staff London Na Dallas, Bana FCI Souka, Libina de Zelis Bacha, Mana, Monte, Mama, Ina, Miso, Eko, Tamba Monoka, Pake, Lumba, Solo, Kasi Eko, Bimi, Saka, Mano, Baya, Mwanya Wendes, Makwati Bacha, Mana, Monte, Mama, Ina, Miso, Eko, Tamba Monoka, Pake, Lumba, Solo, Kasi Eko, Bimi, Saka, Mano, Baya, Petit chinois, face à Farata Les géants à Petit Titi, Nino Vandal, les grands cas Sisi Wakadogo, Kabuya Duya pour libérer Sisi Wakadogo, Kabuya Duya pour libérer Iso Wakadogo, Kouya qui pour la libération Iso Wakadogo, Kouya qui pour la libération Beba Dudu Adjoli Beta Le Jean Moussota Becker Likebeps Chise Katanga Le Grand Katangé Lelino Bakemba Yamoga Jules Bavon Mouan Wawili wanakabulana mwingine naenda o mwingine na baki ya huruma juu ya safari safari o safari umeumiza moyo wende wende ndugu kisha masiku kwa nguvu ya Mola tutaonana tena mimi leo naenda tumelakana nawe nikishafika atakutumia mukanda kwa kujulisha minefika buzima safari safari safari umeumiza moyo wende wende ndugu kisha masiku kwa nguvu ya Mola tutaonana tena wanasafiri kwa ndege watu wengine wanasafiri kwa mashua watu wengine wanasafiri kwa gari watu wengine wanasafiri kwa miguu Safari, safari, safari, safari, safari, safari, safari.